minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as Boston. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Planète Indie, nous sommes le samedi 3 mars 2018 et nous allons commencer l'épisode numéro 394. Je suis très très heureux de passer eh bien, ce début de soirée en votre compagnie et j'espère que vous allez apprécier la programmation musicale de ce soir. En parlant de programmation musicale, eh bien, on ira faire un tour sur le nouvel album de nos amis du Sud-Ouest, les gens de Hawk. Un petit tour aussi sur le nouvel album live du groupe québécois Mystery, un groupe de rock progressif. On écoutera un extrait du nouvel EP de Amanda Abizen, on écoutera les Lines, on écoutera Dissonance, King King, enfin plein de bonnes choses. Des noms que vous reconnaîtrez peut-être si vous nous êtes fidèles et puis évidemment... Des tout nouveaux, puisqu'on a assez régulièrement eh bien, une nouvelle cargaison de nouveaux artistes qui cherchent à être diffusés chez nous. Je vous propose d'ailleurs de commencer cette émission avec un artiste italien, il s'appelle Valerio Montelatici. Son morceau s'intitule non pas Facebook, mais Fakebook. Et puis après on écoutera High on Martel et le morceau intitulé Quick. Bienvenue chez nous, nous sommes ensemble. Jusque 18h30. Sentenced by your own court. what it used to post. Is it fake? But I like it. Le morceau s'appelle Quick and Dirty. Bah oui, bah on n'a pas toujours le choix de faire quelque chose de propre. Donc parfois il faut aller vite et pas toujours bien. Parfois c'est un peu moins bien. C'est ce que nous interprétait le groupe suédois High on Martell avec le morceau Quick and Dirty. Et on a commencé cette émission avec un artiste italien qui s'appelle Valerio Montelatici. Et le morceau Fake Book. Et en parlant de Fake Book, voire de Facebook, eh bien vous pouvez retrouver aussi Planet Indie sur Facebook. Vous tapez simplement Planet Indie, sans accent et avec Indie et un E au bout de Planet et de Indie. Et puis, venez rejoindre la communauté. On n'est pas loin de 200 et il y a beaucoup d'artistes qui sont avec nous. Et donc, vous pouvez les contacter en direct, notamment si vous avez apprécié leur morceau pour avoir de les nouvelles. Et ils se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions. Enfin, je dis toutes, je m'engage un peu, mais en tout cas, toutes les questions honnêtes, on va dire. Allez, on poursuit en musique avec Eva de la Family of Barry. Le morceau s'appelle Get Back to a Funky. Break a hip to scrap. drive my life without your head. Just wanna think about myself. Now I'm sure I have to pray. Just tell the guy with being sick. And you can stop to be so fake. That's all I want. Mike from A is for Adam, and you're listening to Planet Indie. Hi, my name is Audra. And I'm Pat. We're Chaser 8, and you're listening to Planet Indie. Hi, my name is Vivi from Mental Monkey Ballet, and you're listening to Planet Indie. Don't be afraid and don't be misled. Ce morceau ne s'appelle pas Going Under. Bah non, bah, contrairement à ces mots qu'elle dit fréquemment dans la chanson. Non, le morceau s'intitule. C'est le groupe Dissonance, le groupe de Cat Hall qu'on a entendu pour la première fois le mois dernier. C'était en solo aujourd'hui. Elle avec son groupe Dissonance. 17h18. Dans quelques minutes, nous allons à la découverte de notre album Powerplay. Il nous emmènera doublement aux États-Unis, du côté de la Caroline du Nord. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Avant cela, on va encore écouter un autre morceau, un extrait du nouvel album de King King. L'album s'appelle Grace and Exile. On écoute le morceau Betrayed Me de King King. I've been waiting too long for you to find your way. Yeah. Voilà, c'était les King King avec Betrayed Me, extrait de leur tout nouvel album Exile and Grace. 17h23 et 33 secondes exactement. Eh bien, nous partons à la découverte de notre album Powerplay. Je vous avais dit qu'il allait nous emmener aux États-Unis. Je vous avais même dit qu'il allait nous y emmener doublement. Eh bien oui, puisque l'artiste est américain. Il s'appelle Paul Messinger et son album s'appelle America 2.0. Donc vous voyez, double dose américaine aujourd'hui avec cet album de Paul Messinger qui est un poète, un compositeur, un chanteur et un instrumentaliste, voilà, je trouve plus le mot que je voulais dire, enfin c'est pas grave, qui au départ, eh bien, il est originaire, voilà, c'est musicien et compositeur mélodique, c'est ça que je voulais vous dire. Originaire donc au départ de New York et il s'est relocalisé du côté de Chapel Hill en Caroline du Nord. Paul Messinger, eh bien, se concentre essentiellement à raconter des histoires, mais pas seulement des histoires, mais aussi des légendes qui concernent, eh bien, les gens qui se trouvent dans le monde qui nous entoure, en tout cas qui l'entoure lui. C'est ce qu'on trouve sur cet album, une large palette d'histoires. L'album s'appelle America 2.0, je l'ai dit, mais le sous-titre c'est Assorted Tales and a New Myth. Donc on pourrait traduire cela par légende y associée et nouveau mythe. On retrouve aussi sur cet album, eh bien, sa passion pour l'histoire américaine. On en parlera peut-être un peu plus longuement tout à l'heure. Paul Messinger, ainsi, est un observateur très patient, très économe, il voit tout. Et on peut même dire que c'est un observateur politisé, eh bien, de l'Amérique. Et il utilise ses paroles et ses talents d'harmonica, puisque, eh bien, il joue de l'harmonica. On n'en passe pas si souvent que ça. Mais vous allez voir, on en parlera peut-être un peu plus longuement aussi tout à l'heure de ses talents à l'harmonica. Donc, il utilise bien ses talents pour emmener ses musiciens, son petit groupe, à travers toute une palette de styles musicaux différents. Ça va du gospel au blues au reggae, voire même au rock. On en écoute donc ces trois extraits aujourd'hui. Le premier s'appelle Psycho Yuppie. Alors ce morceau enregistré en public, il raconte l'histoire, et bien c'est une histoire sombre d'un homme qui n'a pas un jour respecté sa femme. Paul Messinger, je vous rappelle son nom. L'album s'intitule America 2.0, Assorted Tales and New Myth. C'est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie. Premier extrait pour ce soir, Psycho Yuppie. Powerplay. Powerplay. This song goes out to my wife. It's about a guy that disrespected her and got a song written about him. That ain't no good. And it's called Psycho Yuppie. Take it. I do it. Oh, is a symphony. Life is a symphony. On l'avait découvert le mois dernier. Il s'appelle Blue Eyed Soul DK. Et donc, avec ce morceau Life is a symphony, c'est très beau, très propre, très polissé. D'ici quelques minutes, retour sur notre album Powerplay. Et puis, si vous nous étiez fidèles le mois dernier, on vous avait parlé assez longuement du festival Lux Film Fest, le festival de la ville de Luxembourg, qui en est déjà à sa 8e édition cette année. Eh bien, il se termine ce week-end. J'espère que vous avez suivi nos conseils et que vous avez participé aux nombreuses projections et manifestations. Pour aujourd'hui, il y a encore des possibilités pour vous pour voir certains films. Si vous nous écoutez jusqu'au bout, après l'émission Planète Indie, vous filez soit à la Cinémathèque, puisqu'à 19h il y a le film Columbus, et puis après à 21h vous pourrez voir Don't Worry, You Won't Get Far on Foot. Et puis si vous préférez la programmation de l'Utopia, à 19h ce sera Mary Shelley, et à 21h Les Bonnes Manières. À 19h30 c'est La Mort de Staline, mais ça c'est sur invitation. Malheureusement, parce que moi j'en ai pas eu non plus, en tout cas jusqu'à présent j'en ai pas eu. Peut-être que ça va se débloquer d'ici ce soir, on va bien voir. Donc toutes les informations sur le www.luxfilmfest.lu, et puis il y a encore quelques projections demain dimanche, donc n'hésitez pas à aller voir, il y a toujours moyen de découvrir de très belles choses et de très belles projections. Moi en tout cas j'ai découvert pas mal de bons films au cours des différentes éditions de ce festival. On poursuit en musique avec un artiste qui sera un de nos prochains Powerplay, je ne sais pas s'il sera le mois prochain ou un peu plus tard. C'est le nouvel album de Aitopus, l'album s'intitule Totem Totum, et nous on écoute le morceau Prime. Thank you. Extrait du nouvel album live de Mystery, c'était The Preacher's Fall, et on poursuit avec Hawk. Et de bon matin, bah oui. Hi, this is Chris from the band Mr. Hunter, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Michael from Socionic, and you're listening to Planet Indie. My name is Josh from Stone Diamond, you're listening to Planet Indie. Voilà, c'est chanté en occitan, donc on fait un peu aussi de la world music, on pourrait dire. C'était le groupe Hawk, évidemment, avec le morceau de Bon Matin. C'est aussi extrait de leur tout nouvel album. Si bien vous faites partie du groupe Facebook, vous avez dû passer, voir passer la publication de la sortie de cet album. 17h45 minutes, retour sur notre album Powerplay, l'album America 2.0. Sous-titre Assorted Tales and New Myth, un album de l'artiste Paul Messinger. Et dans cet album, eh bien, Paul Messinger examine le concept même de ce que l'Amérique est à l'ère de Trump et ce que cela signifie de faire partie, eh bien, du grand melting pot américain. Dans une de ses chansons, la chanson s'appelle Lady Liberty, il dit notamment « Lady Liberty, show me the land of the free, give me some common sense and courtesy and decency ». Ce qu'on pourrait traduire par « Madame Liberté, eh bien, montre-moi le pays de la liberté, donne-moi j'allais vous le dire en anglais, donne-moi du bon sens, de la courtoisie et de la décence ». Cet album America 2.0, eh bien, comme on l'a dit, il est à propos de l'idée de l'Amérique. Qu'est-ce que c'est que cette place, que cet endroit que l'on appelle l'Amérique ? Qui sont ces gens qu'on appelle les Américains ? L'idée de l'Amérique a, depuis 200 ans, deux siècles, enfin, attiré les espoirs, les rêves et les aspirations de l'humanité. et les a attirés vers eh bien, ces rivages américains. Allons voir donc et explorons les places que l'Amérique renferme. C'est donc un voyage que Paul Messinger nous invite à faire dans eh bien, ce pays de l'Amérique. On va écouter le morceau « Death Don't Have No Mercy ». C'est un morceau enregistré aussi en public comme celui qu'on a écouté tout à l'heure. C'était Psycho Yuppie. Ce morceau donc Death Don't Have No Mercy a été enregistré donc en public au Art Center à Carrboro en Caroline du Nord. C'est un morceau très avec une mélodie très bluesy et colorée avec on l'a dit tout à l'heure l'harmonica, les solos d'harmonica de Paul Messinger et de son invité Joe Filisco sur cet album. Voilà, je me tais et je leur laisse la place pour ce second extrait de notre powerplay de ce soir. Powerplay. Powerplay. I've been around the blues a long time, and the only rule that I know is that you play the blues like you mean it. And if you do that, then you've done your job. So hopefully we'll do our job here. Yeah. Thank you. in this lane. Fragile, so we gotta get tough and live our lives. Walking in Twos, c'est le nom de ce morceau, c'est aussi le nom de ces, c'est presque un album, c'est un, on va dire un EP de Amanda Abized, et nous on écoutait la version, le remix électronique. Amanda Abized, vous pouvez la retrouver sur son site internet www.amandaabized.com. Je rappelle que vous êtes écouté Planet Indie. Nous en sommes à l'épisode numéro 394. Vous pouvez nous retrouver chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 sur les ondes de RGL Radio et puis aussi sur Internet ou sur le câble télédistribution DPT de Proximus. On mettra aussi le podcast de cette émission pour ceux qui voudraient la réécouter sur notre site internet www.ilovemusic.ga www.ilovemusic.ga et puis elle sera aussi rediffusée demain dimanche aux mêmes heures qu'aujourd'hui, c'est-à-dire entre 17h et 18h30. La prochaine émission, elle se tiendra au mois d'avril, donc le premier samedi d'avril, ça nous met le 7 avril, voilà, comme ça, vous savez tout. On poursuit en musique avec les Lynns. Ce ne sont pas des sœurs, elles s'appellent les Lynns tout simplement parce que l'une s'appelle Lynn Hanson et l'autre Lynn Hanson avec un E au bout et l'autre Lynn Miles mais sans E au bout. Elles ont sorti un album qui s'appelle Heartbreak Song for the Radio et nous, on écoute le tatouage bleu, Blue Tattoo par les Lynns. Can't leave this room. I'm stuck here. Démonstration par illustration du concept du pigeon voyageur. Je m'explique, on voyage dans les styles musicaux dans cette émission. On aime bien varier les plaisirs puisqu'on était plutôt, on va dire, dans la musique folk avec les Lins. Ici, à l'instant, c'est plutôt de la pop électronique avec Tom Toman featuring Eva Bruta. Et puis, voyage géographique, les Lins, elles sont canadiennes. Tom Toman, lui, il nous emmenait du côté de la Slovénie. Alors, le morceau en Slovénie, alors il faut s'accrocher. Hein. Tom Toman, il est basé en Slovénie. Son morceau s'appelle Lady Phoenix, donc ça nous ramène de nouveau aux États-Unis comme l'album de Paul Messinger. Et puis, quand je vous dis que le morceau suivant s'intitule Québec, il y a de quoi s'y perdre et y perdre son latin, puisque c'est un morceau de Jack Peña. Alors, Jack Peña, en l'entendant, il est basé en France, mais quand vous l'entendez, il n'y a aucun doute, il a des origines québécoises aussi. Ça fait 2 mois que je voulais vous le passer, mais on était toujours un peu trop court. Du coup, je l'ai remonté un peu dans la playlist pour être sûr de pouvoir le passer aujourd'hui. Donc, on l'écoute tout de suite avec ce morceau. Québec de Jack Peña, et puis après, eh bien, on retournera sur notre album Powerplay. Avant que tu repartes au Québec, donne-moi un bec, donne-moi un bec. Avant que tu repartes au Québec, donne-moi un bec, je ferai avec. Tu reprends ce maudit rafio, n'oublie pas de me faire un béco. Ok, tu repars en avion, laisse-moi une adresse, ton prénom. Des neiges sur Saint-Laurent, 2 fois par an, aussi sur l'île de Sainte-Hélène, on peut se cacher à tout moment. Là-bas, tout le monde est gentil, je comprends, tu veuilles partir d'ici, seuls les paysages sont sauvages, je comprends que tu refasses le voyage. que tu repartes au Québec. Donne-moi un bec, donne-moi un bec. Avant que tu repartes au Québec, donne-moi un bec, je ferai avec. Si tu reprends ce maudit rafio, n'oublie pas de me faire un béco. Ok, tu repars en avion, laisse-moi une adresse, ton prénom. Laisse-moi une adresse, ton prénom. Jack Peña avec le morceau Québec. Je vous propose de quitter le Québec et de redescendre aux États-Unis sur cet album America 2.0 Assorted Tales and a New Meat de Paul Messenger. Le thème de l'harmonica, eh bien, on l'avait superficiellement abordé tout à l'heure dans notre présentation générale, mais dès la plage d'ouverture, eh bien, de cet album, on découvre le talent de Paul Messenger comme joueur d'harmonica. Il est d'ailleurs un des fidèles de Howard Levy et il dans le même style de jeu de musique que lui pour jouer de l'harmonica de façon diatonique. Howard Levy, c'est pas simplement un joueur d'harmonica et aussi un multi-instrumentaliste, c'est aussi le propriétaire de la maison de disques Balkan Samba Records. Et puis c'est aussi un des membres fondateurs du Bella Fleck and the Fleckstones. Le style de Paul Messenger, il est assez gentil, doux, on va dire, mais la mélodie de l'harmonica devient essentiellement, eh bien, la colonne vertébrale de ses chansons. Encore à propos de cet album, eh bien, pour le promouvoir, l'album, Paul Messenger avait demandé à des amis de lui envoyer leurs photos et leurs vidéos de ce que était pour eux l'Amérique. Et puis son pote Josh Hard il a pris toutes les réponses et il en a fait une vidéo pour bien promouvoir cette chanson, et la vidéo semble être une réponse à un certain nombre de questions. On va essayer de vous mettre de la trouver et de vous la mettre sur notre page Facebook. Et à propos de Facebook, donc vous tapez Planet Indie dans Facebook, vous rejoignez le groupe et puis il y a tout un monde de possibilités qui s'ouvre à vous. Pour l'heure, nous on va écouter le troisième et dernier extrait donc pour ce soir. J'ai choisi le morceau Device Dyslexia. C'est une chanson qui dépeint de manière humoristique le combat, en tout cas la tentative que Paul Messenger fait pour survivre dans le monde des technologies contemporaines. C'est une mélodie assez lente avec des sons des années milieu des années 70. C'est aussi ponctué avec des mots parlés. Et puis voilà, et vous allez découvrir tout cela sur ce troisième extrait donc de cet album America 2.0 Assorted Tales and New Meat de Paul Messenger. C'est notre powerplay ce soir dans Planet Indie pour cet épisode numéro 394. Powerplay. All about the nation, the economy, global warming, they were storming and sorted at whatnots. But first I've got to open the box. Hey, encased in this semi-clear plastic stuff. So I pulled out my blade, of course, and finger sliced it. Got blood on the table, spilled blood on the floor. Then I took it right back to get it opened at the store. Dyslexia, technology is no friend to me. I've got device dyslexia, directions lead nowhere, they're just perplexia. Observe correct polarity installed on lithium battery. Press time link, snooze, reset button to sync. Sanity, egg white, Mickey D, drizzle with basil, balsamic vinegar, serve a soy mocha chai chip tea. So maybe I won't. Have a conversation all about the nation, the economy, global warming, Midwest storming, the dichotomy of duality, the ecology and cosmology, and assorted of what nuts. Yeah, maybe I'll just sleep in. I could get a sheep. I've got device dyslexia. Technology is no friend to me. I've got device dyslexia. Directions lead nowhere. They're just perplexing. Gotta get a shape. Gotta get in shape. Gotta get a girl. Gotta get a job. Gotta get a wife. Maybe gotta get a bunch of normal life. Gotta get an image. Gotta get some dress. Gotta get GQ. Gotta get a tattoo. Gotta get a house. Gotta get a car. Car. You kidding me? I've got device dyslexia. Technology is no friend to me. I've got device dyslexia. Directions lead nowhere. Thank you. morceau s'intitule Kitty par Angus Crown. Avant cela, je vous rappelle, c'était notre powerplay ce soir. Paul Messenger, le morceau Device Dyslexia. On entre dans les dernières 10 minutes de cette émission. Alors, on va passer en revue en vitesse la programmation de la Rocale. Ce soir, eh bien, vous pourrez voir le Lac des Cygnes. Ensuite, il y a un petit break le 10 mars. Alors, le 10 mars, vous avez le choix au club entre Alice Merton et à la Rocale Box. Steven Wilson, le 11, rebelote, double choix entre au Main Hall, The Australian Pink Floyd Show. Très, très bien. Et au club Nino, le 12 mars, Dance Gavin Dance et Vile of Maya. Le 14, Mike Dawes plus Masterclass. Le 16 mars, The Lab Orchestra. Le 17, Steve Vai, son Alien Guitar Secret Masterclass. Le 19 mars, Scott Bradley's Postmodern Jukebox. Le 20, Parov Stellar. Le 24, Rebelote, vous avez le choix entre Designer au club et puis le Hippie Sabotage. Mais là, attention, ça se passe au Rotonde. Le 25 mars, Charlotte Gainsbourg. Le 26, Barclay James Harvest, la légende. Le 28, Slimane. Le 29, L'Homme Pâle. Le 30, Maz, avec son release party du morceau de l'album Immortalization. Le 31 mars, Twiz, encore une release party pour Swimming Youth. Et le 3 avril, Ashkid. Et puis le 7 avril, je vous rappelle, c'est notre prochaine émission en direct, le Planet Indie numéro 395. Cette émission Planet Indie 394, eh bien, elle sera rediffusée aussi demain entre 17h et 18h30 sur cette même antenne. Et puis le podcast sera disponible très rapidement sur notre site internet www.ilovemusic.ga. Pour l'heure, on poursuit avec Kelsey Ballerini, une des stars montantes de la folk américaine. On l'écoute avec Machine Heart. I pushed and pulled it, I let you do it too. Like it was metal, like it was bulletproof. I forgot to cry when I was sad, forgot to fight when I was mad. I made the moves that others would approve. But it ain't calculated, it ain't by the rules. And you can hate it, baby, but it's gonna do what it's gonna do, yeah. I don't have a machine heart. Can't tell it to stop, no button to push, just stay. You'll see it break, you'll see it fall apart. Cause I don't have a machine heart. No, a machine heart. I kept it quiet, but now you'll hear it scream. Cause good or bad or right or wrong, it's finally found its beat. And it ain't gonna do what it's gonna do, yeah. I don't have a machine heart. Can't tell it to stop, no button to push, just stop. You'll see it break, you'll see it fall apart. Cause I don't have a machine heart. A machine heart. A machine heart. Cause I don't have a machine heart. Can't tell it to stop. Et voilà, cette émission Planète Indie touche tout doucement à sa fin. Il nous reste un morceau à écouter, 4 minutes. Ce sera Zerrin avec le morceau Mercury. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale de ce soir. Si vous voulez réécouter l'émission, je vous rappelle, elle est rediffusée demain entre 17h et 18h30 sur cette même fréquence. Le podcast disponible sur notre site internet www.ilovemusic.ga. Et puis, prochaine émission, le samedi 7 mars entre 17h et 18h30. D'ici là, passez un bon week-end, une bonne soirée et je vous retrouve donc le 7 avril en pleine forme pour de nouvelles aventures musicales. À bientôt. Et on se quitte avec Zerrin et le morceau Mercury. Kept like Mercury in a jam jar, in a cupboard of your distortion isn't good.